Bon, les devoirs pour demain, vous ferez les exercices 45, 46, 47 et 48 de la page 102. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et les exercices 12, 13, 14, 15 de la page 21. Merci. Allez, à demain. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme numéro 1, c'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox 2023, premier ex-aequo. Détail du classement sur fortunéo.fr/palmarès/banque. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Gros plan sur l'histoire du cinéma avec l'historien Michel Pastoureau qui fut conseiller pour le film Le Nom de la Rose. Et avec les cinéastes Mahamat Saleh Haroun et Tony Gatliff, tous les deux fous d'histoire. Et puis nous croiserons aussi Pocahontas quand Disney redessine l'histoire et Alice Guy, une réalisatrice longtemps laissée hors champ. Et puis du grand spectacle avec Ben-Hur. Allez, moteur! Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pocahontas, quand Disney redessine l'histoire, c'est en 1995 que les studios Disney sortent Pocahontas, une légende indienne. De par le monde, nombreux découvrent, grâce à ce dessin animé, l'existence de Pocahontas, une jeune femme du XVIIe siècle, une amérindienne au destin hors du commun. Dans le dessin animé, elle s'adresse à John Smith, un colon anglais, personnage charismatique. « Pour toi, je suis l'ignorante sauvage, tu me parles de ma différence. » Pocahontas a été qualifiée de princesse, concept occidental appliqué à l'Amérique. Princesse et non reine, aurait-elle pu chanter « Libérée, délivrée ». Anne-Marie Bidot, bonjour. Bonjour. J'évoquais il y a deux secondes que ce dessin animé Pocahontas a permis à de nombreuses personnes sur notre planète de découvrir un personnage qui, dans la culture américaine, était déjà connu. Il faut rappeler combien le mythe fondateur Pocahontas est quelque chose que les gens maîtrisent aux États-Unis. Oui, absolument, parce que je pense qu'Audrey en parlera. C'est un mythe ancien qui a été exploité dès le XVIIe siècle, amplifié par le XIXe avec le romantisme autour du couple qui représente la civilisation, la vie sauvage. Et c'est un mythe fondateur, mais le film va présenter ce personnage d'une façon originale. D'ailleurs, Disney était un petit peu, enfin, toute l'équipe Disney était un petit peu gênée au départ parce qu'il fallait revoir tous les stéréotypes concernant les Indiens. Et pendant 2 ans avant la sortie du film, il y a eu toute une expérience d'apprentissage de la sensibilité pour que tous les participants se débarrassent des stéréotypes. Mais pour les Américains, c'est un mythe fondateur, absolument. Audrey Brousseau, bonjour. Bonjour. Que raconte ce mythe fondateur ? Ce mythe fondateur raconte en fait une rencontre entre deux mondes, une rencontre entre l'anglais et l'amérindien, et essentiellement entre John Smith et Pocahontas, bien sûr. Ça raconte évidemment les débuts de la colonie de Jamestown, qui est une colonie prototype, puisque c'est la première colonie anglaise permanente en Amérique du Nord, la première réussite dans l'aventure expansionniste anglaise. Et dans ce mythe fondateur, il y a évidemment beaucoup de personnages, dont deux se distinguent. Il y a Pocahontas, l'amérindienne, il y a John Smith, ce colon, et ces deux-là s'entendent bien. Et il est certain qu'au moment où le mythe se met en place, se construit, se diffuse, eh bien, ceux qui le reçoivent sont déjà pétris de préjugés sur les natifs d'Amérique. Au XXe siècle, plus de 160 millions d'hommes habiteront les États-Unis. Mais au XVIe, moins d'1 million d'Indiens peuplent cette région. En tribus éparses, ils chassent le bison, le cerf et cultivent leurs champs de maïs et de légumes. Ces Indiens habitent les forêts. Ils abandonnent les wigwams de leur village pour chasser ou pour disputer à des tribus rivales les meilleurs terrains de chasse. Leurs vêtements sont faits des peaux des animaux qu'ils tuent pour se nourrir. Ils enlèvent l'écorce des arbres pour en faire des canoës qui les transportent rapidement sur lacs et rivières. Leurs outils sont primitifs, mais ils savent utiliser beaucoup de techniques aujourd'hui perdues et qui leur sont nécessaires pour survivre en pays sauvage. Ces hommes ne savent rien du monde extérieur, mais ils connaissent chaque coude de leur rivière et chaque sentier de leur forêt. Ah, ils connaissent bien la nature, ces Indiens, tels que présentés dans les archives. C'est en 1956, hein, les archives du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Anne-Marie Bidot, pour bien saisir ce mythe Pocahontas, il faut le resituer dans une lecture plus large de ce que sont devenus les Indiens au XXe siècle dans le mythe américain. Il y a plusieurs étapes, et nous le savons bien. Il y a l'horreur des massacres des Indiens, mais au XXe siècle, il y a comme une volonté de réappropriation des Indiens dans l'histoire, mais en les contenant bien géographiquement dans les réserves et puis dans les imaginaires, un rôle bien défini de cette histoire. C'est-à-dire que on connaît toutes les guerres indiennes et comment les Indiens, avec le dernier massacre de Wounded Knee en 1890, ont été littéralement massacrés. Mais on oublie qu'au XXe siècle, leur domination a continué avec le système des réserves dont ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'ont été citoyens américains que dans les années 20. Et puis, dans les années 50, on a imposé un système de libération des terres indiennes ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que le statut de terre préservée avait en partie disparu. Donc, il y a une politique répressive qui a quand même duré longtemps contre les Indiens, qui s'est un peu améliorée dans les années 60. Mais ils continuent à rester les zones les plus pauvres des États-Unis, les plus misérables, les moins bien soignés, les plus violents, les plus alcoolisés. Donc ça reste quand même une sorte de quart-monde à l'intérieur des États-Unis, même si certaines tribus s'en sont mieux sorties en accédant au statut de casino, en pouvant monter des casinos sur leurs réserves. Mais avec des contreparties un peu négatives, c'est-à-dire la corruption, l'emprise de la mafia, ce qui fait que même s'ils gagnent plus d'argent, ça n'est pas tout rose. En parallèle de toute cette politique de domination, vous le dites clairement, qui perdure durant tout le XXe siècle, et peut-être aujourd'hui encore on pourrait l'évoquer, il y a l'idée du folklore indien qui est fort sympathique. Les Indiens se sont présentés ainsi avec presque un archétype, on a le personnage indien, il lui faut des plumes, il lui faut un canoë. Ça se développe et il y a presque un intérêt culturel de l'Indien. Oui, il y a un intérêt culturel et puis même dès les origines, pour en revenir à Pocahontas, un intérêt économique. Parce que Pocahontas, quand elle a été kidnappée et ramenée de force en Angleterre, elle était utilisée comme publicité pour des investissements nouveaux dans la compagnie Virginie qui était tout sauf florissante. Et à la fin du 19e siècle, toute cette mythologie de l'Indien avec les plumes, la sagesse a été utilisée pour faire la publicité des chemins de fer qui allaient vers l'ouest et qui voulaient attirer des touristes. Donc on attirait les touristes en faisant miroiter l'image des Indiens dans le désert. Oui, parce que c'est vraiment ça, hein, ces images que nous avons tous en tête et véhiculées par le cinéma, bien sûr, constituent cet imaginaire, mais qui est construit nettement. Audrey Brousseau, que savons-nous de Pocahontas, le personnage historique ? Le personnage historique est bien éloigné du personnage qu'on nous donne à voir dans les films, et notamment dans le film de Disney. Alors déjà, c'était une fillette. C'était une fillette de 11-12 ans à peine, qui était la fille, une des filles du roi Powhatan, du chef, voilà. Même moi, je me fais avoir, parce qu'on parlait pas de roi chez les Powhatan. C'était le chef de la tribu, c'était le chef de la confédération Powhatan. Et Pocahontas avait un nom de naissance qui était Matoaka, un nom de naissance, un nom secret qui ne devait pas être utilisé par les autres. Et son nom public a été ensuite Pocahontas. Matoaka a été traduit par les Anglais de manière assez bucolique par Clair Ruisseau entre deux collines. Bon, c'est petite plume de neige, on reste toujours dans ce petit cocon doucereux. Et Pocahontas peut être traduit comme la capricieuse, la vilaine fille, voilà. On a cette idée de petite fille un peu malicieuse. Et donc, elle est née aux alentours de 1595. Donc voilà, 11-12 ans, à l'époque où les colons anglais arrivent à Jamestown. Alors Disney en fait la fille unique du chef Powhatan. Ce qui est faux, parce que bon, Powhatan avait à peu près 60 ans, il avait à peu près 30 enfants, mais il, apparemment, il avait une fille préférée et c'était Pocahontas. Et Pocahontas voit arriver ses visiteurs. Ce n'est pas encore un monde de méfiance, c'est un monde d'absolue curiosité, parce qu'ils sont partis en 1607 depuis l'Angleterre, les colons. Hola, de 1607, en barque mes amis, on nous fait tourner la tête, Virginia compagnie. Partons tous à la conquête d'un pays de paradis. À toi notre fortune est faite, Virginia compagnie. La parole est d'homme, Virginia compagnie. Un extrait du film de Disney, Pocahontas. Anne-Marie Bidot, vous êtes l'auteur d'Hollywood et le rêve américain. Dans ce rêve américain, il y a cette idée de conquête. Alors la conquête, nous la connaissons souvent vers l'ouest, qui traverse le pays, mais la conquête originelle, c'est celle qui traverse l'océan, qui traverse l'Atlantique. Et l'histoire de Pocahontas s'inscrit parfaitement dans ce désir de conquête. Absolument. En fait, la première conquête, on parle de l'Ouest, mais à cette époque, l'Ouest, c'était juste quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le postulat des colonisateurs qui viennent de Grande-Bretagne, c'est de gagner de l'argent. La Compagnie de Virginie avait été créée par le roi James, enfin Jacques Ier, pour essayer d'exploiter les réserves d'or qu'on imaginait semblables à ce qu'on avait trouvé dans les colonies espagnoles. Et manque de chance, ils ont été très déçus parce que dans les colonies anglaises, d'abord à Jamestown, on n'a pas trouvé l'or qu'ils espéraient trouver. Donc les conditions économiques ont été difficiles et c'est comme ça que les Indiens et les Blancs se sont rencontrés parce que les Blancs avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de chasser et ils ont rencontré les Indiens dans ce type de raid qu'ils faisaient à l'intérieur des terres. Sommes-nous avec des colonies de peuplement à ce moment-là? Parce qu'il y a le commerce, hein, on l'entend, mais y a-t-il l'idée que ces colons vont s'installer pour longtemps? Alors, au départ, en Virginie, ça n'est pas une colonie de peuplement. On trouve cette colonie de peuplement un petit peu plus tard, vers 1620, au Massachusetts, quand dans la région actuelle du Massachusetts, quand les pères pèlerins arrivent sur le Mayflower, là, c'est une colonie de peuplement qui était prévue, qui a eu du mal à survivre, et on sait que grâce aux Indiens, ils ont réussi à survivre le premier hiver. Mais en Virginie, c'était des négociants qui avaient donné, qui participer au financement de cette compagnie sous forme d'actions et qui espérait devenir très riche. Il n'était pas question de créer un peuplement à cette période. Audrey Brousseau, Pocahontas voit donc arriver des commerçants, des négociants, c'est cela principalement. Oui, alors c'est vrai que dans le contingent de départ, il y avait une centaine d'hommes à bord des trois navires qui avaient été affrétés par la compagnie de Virginie. Jamestown, au départ, est une... Alors, fait triste mine, hein, parce que ça ressemble à un petit fort triangulaire avec des palissades montées tant bien que mal sur un terrain hostile par des gens qui sont pas du tout des bâtisseurs, qui sont pas du tout taillés pour la mission, qui manquent mois après mois de mourir les uns après les autres, soit par la maladie, soit par les attaques des Amérindiens ou les rencontres un peu houleuses avec les tribus locales, soit par la violence, la désorganisation sociale. Enfin bon, c'était voué au départ quand même à rejoindre la longue liste des échecs de l'entreprise coloniale anglaise. Et puis petit à petit, alors certes, c'était pas une colonie de peuplement au départ, mais année après année, la colonie s'est quand même développée et notamment avec l'introduction du tabac, et notamment par John Rolfe, qui deviendra le mari de Pocahontas en 1614. Lui, il a introduit la culture du tabac qui a fait ensuite la fortune de la Virginie, qui a pu se développer année après année. Et puis, voilà, les colons, la relève arrivait régulièrement, de plus en plus de colons, pour ensuite grossir les rangs de la colonie. Une autre colonie a été implantée en amont de la rivière. Enfin voilà, ça c'est un petit peu. Alors avant même Plymouth et les Pères Pèlerins, il y avait cette organisation sociale au sein de Jamestown et ensuite donc au sein de Henrico, le deuxième site qui est devenu ville. Il y a eu cette forme de peuplement en Virginie. Audrey Brousseau, vous êtes l'auteur de Pocahontas, princesse des deux mondes, histoire, mythe et représentation. Vous enseignez la civilisation américaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Quel rôle joue Pocahontas dans cette histoire? Alors, je vais être obligée d'utiliser des écrits, les écrits de John Smith, en fait, qui a été le seul acteur et témoin du moment fondateur dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de rencontre. En fait, la rencontre, il s'agit d'un sauvetage. Il s'agirait du sauvetage de John Smith par Pocahontas. Donc le rôle de cette jeune femme, de cette fillette en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'était d'avoir sauvé John Smith. C'est-à-dire que à l'occasion d'une expédition de reconnaissance, le capitaine John Smith avec quelques autres colons se font capturer par des Indiens, des Amérindiens, les Pamunkeys, puisqu'on a vu que c'était une confédération, il n'y avait pas qu'une seule tribu. Donc ces Amérindiens qui amènent John Smith au chef Powhatan. Et à partir de ce moment-là, on lui fait subir plusieurs, on va dire, simulacres d'exécution jusqu'au moment fatidique où on pense que c'est la fin, où il pense que c'est la fin. Et donc, il écrit dans ses récits, dans ses comptes rendus, une dizaine de lignes. Il écrit qu'au dernier moment, alors qu'il était sur le point de se faire fracasser le crâne par les guerriers amérindiens, la fille adorée du chef, la fille préférée du chef, s'est jetée sur lui et s'est interposée entre lui et son bourreau pour le sauver. C'est sûr que cela crée une relation très forte entre deux individus. Cette relation est intense, évidemment, entre Pocahontas et John Smith. Mais qu'est-ce que c'est? Ma boussole. Ta boussole? Ça sert à retrouver son chemin quand on se perd. Mais ne t'en fais pas, j'en achèterai une autre à Londres. Londres? C'est le nom de ton village? Oui, mais c'est un immense village. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, il y a des rues, des centaines de fiacres, des ponts sur le fleuve et des bâtiments aussi grands que des arbres. J'aimerais voir toutes ces choses. Tu les verras? Mais comment? Nous allons les construire ici. Nous montrerons à ton peuple ce qu'on peut faire de ce territoire pour en tirer profit. Pour en tirer profit? Oui. Nous ferons des routes, des maisons dignes de ce nom et... Mais nos maisons nous conviennent. C'est ce que tu crois. Seulement, tu ne connais pas encore les nôtres. Ne le prends pas mal, voyons. Attends! Arrête! Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Nous faisons beaucoup pour les sauvages à travers le monde. Des sauvages? Je ne parle pas de toi, évidemment. Rien que de mon peuple. Non, je t'assure, je me suis mal exprimé. C'était John Smith et Pocahontas et un raton laveur. Anne-Marie Bidot, dans le cinéma, à Hollywood, comment sont représentées ces femmes amérindiennes traditionnellement? Parce que là, le film Pocahontas de Disney date de 1995, mais il y a une très longue histoire de la représentation de la femme indienne au cinéma. Beaucoup de désirs sexuels ou de mépris parce que proche du sauvage? C'est un peu les deux. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est que jusqu'aux années 50, les femmes indiennes sont peu représentées. On voit les Indiens comme un groupe assez homogène, alors qu'ils ont des cultures extrêmement différentes. Et ce sont souvent et presque toujours des mauvais Indiens. Et dans les années 50, on voit apparaître des nuances avec des bons Indiens, comme par exemple dans La Flèche brisée. Et c'est là qu'on voit paraître des princesses indiennes, parce qu'évidemment, pour être à la hauteur des colons et des pionniers, ça ne peut être que des princesses. Donc on voit apparaître des princesses qui sont toujours jouées par des actrices blanches, jusqu'à des années très récentes, et qui représentent à la fois l'image de la beauté naturelle, la séduction, et puis en même temps la possibilité de négocier avec le monde des Indiens. C'est l'espèce de fantasme masculin de la princesse indienne qu'on pourrait épouser ou avec qui on pourrait vivre, parce que les épousailles indiennes, ça compte pas, et qui fait partie de cet arrière-plan mythologique qui valorise l'homme pionnier. Et dans cette histoire, l'homme pionnier est valorisé comme une évidence. La femme amérindienne a un rôle d'interface, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs eux-mêmes. Et c'est vraiment cette histoire de Pocahontas, c'est elle qui est le lien entre ces deux civilisations. C'est important ça aussi dans cette vision de la rencontre entre deux mondes. Oui, absolument. Elle représente la concrétisation de la rencontre entre deux civilisations ou deux cultures. Sauf qu'à l'époque, on ne concevait pas qu'il puisse y avoir des cultures ou des civilisations indiennes. C'était les sauvages. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il va permettre qui peut être considéré par les Indiens comme une traîtresse quand même, parce qu'elle va révéler un certain nombre de choses. C'est elle, par exemple, qui va faire découvrir le tabac aux Blancs. Le tabac plus la culture du maïs dans le nord des colonies, donc des moyens de survie et de profit énormes. Mais elle peut être considérée comme une traîtresse parce que, en même temps, cette confrontation ne peut n'aboutit qu'à l'assimilation de l'indienne. Il n'y a pas symétrie entre les deux mondes. L'indienne devient acceptable que si elle se plie au désir possible de l'homme blanc. Et si elle abandonne sa culture et sa religion, il ne faut pas oublier que la conversion de Pocahontas, ça a été un moment très important dans la glorification de la colonisation. Audrey Brousseau, c'est vrai quand on regarde d'un autre point de vue, non pas du point de vue des Occidentaux, mais du point de vue des Indiens, la place de Pocahontas, bah oui, parfois elle révèle des secrets. Elle va mettre à mal l'organisation d'une attaque parce qu'elle va révéler aux colons ce qui se prépare. Cette idée-là est-elle développée chez les Amérindiens? Pocahontas sympathique, mais bon, quand même, un peu traîtresse. Alors c'est vrai qu'on a, on pourrait avoir affaire ici à un paradoxe, et c'est ce que les descendants, enfin les membres de la tribu Powhatan expliquent aujourd'hui. On pourrait très bien penser que Pocahontas est une traîtresse parce qu'évidemment elle a aidé le colon, elle a révélé certains secrets peut-être, et encore que parfois c'est quand même difficile de faire la part entre la fiction et la réalité. Encore une fois, mais ce que les Powhatan mettent en avant aujourd'hui, c'est le fait qu'elle a bien souvent été contrainte. Elle a été enlevée. Elle a été enlevée, ce qui lui ôtait tout choix, en fait, dans son parcours de vie. C'est pas elle qui a donné le tabac aux Anglais, mais par contre elle a enseigné des techniques agricoles pour pouvoir permettre aux Anglais d'être plus productifs et d'avoir un rendement, d'avoir un plus fort rendement et de pouvoir développer la colonie. Mais ce qui ressort, c'est la tentative que cette femme, que cette fillette a nourri de faire s'accorder les peuples. Voilà, c'était plus une image de pacificatrice qu'une image de traîtresse, même si ça pouvait être tentant. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours extrêmement complexe, ces situations-là de rencontre entre deux mondes, bien souvent résumées ici par la rencontre entre deux individus, Pocahontas et John Smith. Audrey Brousseau, d'ailleurs, quelle est la relation entre les deux? Alors attention, parce que c'est le passage mélo, mais nécessaire, parce que le film Pocahontas s'appuie complètement sur cette relation. Oui, alors je vais peut-être vous décevoir, mais sur la dizaine de lignes dont je vous parlais tout à l'heure, il n'est fait à aucun moment mention d'une quelconque romance. En plus, voilà, John Smith, dans ses comptes rendus, utilise un style très très factuel, très journalistique. Il ne fait pas du tout mention de, voilà, d'un quelconque attachement de cette amérindienne. Il note juste dans la marge que c'est une aide providentielle. Hein, il utilise vraiment ce terme. Pour lui, Pocahontas est un ange gardien. Donc, c'est un ange gardien pour lui parce qu'elle lui a sauvé la vie. C'est un ange gardien pour la colonie parce que ce qui est avéré, c'est qu'elle a aidé les colons à survivre à certains moments de l'histoire de la colonie en organisant des petits approvisionnements ponctuels pour leur permettre de tenir. Mais en fait, la romance est née bien plus tard, parce qu'il y avait une tradition culturelle romantique dès le XVIIe, hein, comme Anne-Marie le mentionnait tout à l'heure, mais surtout au XIXe. Donc en fait, le mythe de Pocahontas, c'est pas un mythe du XVIIe. C'est pas du tout un mythe du XVIIe. C'est un mythe essentiellement du XIXe. Au XVIIe, ce qui faisait rêver et ce qui faisait parler, c'est surtout l'union entre Pocahontas et John Rolfe. Hein, puisque c'est leur mariage qui a surtout permis de faire ressortir tous les fantasmes de l'époque, c'est-à-dire le côté la domination de la civilisation sur le sauvage qui lui reste à l'état de nature. Mais on voit bien que Pocahontas est un symbole d'une colonisation et d'une christianisation réussie. Donc c'est plutôt ça qui transparaît au XVIIe. Ensuite, John Rolfe fan un petit peu dans ce mythe et laisse la place à Smith parce qu'on a besoin de cette touche romantique pour rendre le mythe encore plus attrayant, encore plus prégnant. Bah, le mari légitime qui est effacé alors que celui qui n'était même pas l'amant devient le héros, c'est compliqué. Juste, Audrey Brousseau, au moment d'écrire Pocahontas, princesse des deux mondes, bien sûr, se pose toujours pour les historiens, les historiennes, la question des sources. Alors, pour les événements du XVIIe siècle, vous disposez d'une dizaine de lignes, c'est tout, mais vous disposez de sources gigantesques, mais surtout pour le mythe, plus que pour l'histoire elle-même. Ah oui, le mythe bénéficie d'une historiographie folle par rapport à ce moment originel qui lui tient sur quelques lignes. Donc oui, on a à foison des sources littéraires, cinématographiques, dans le domaine, tous les domaines artistiques en fait. Donc ça donne un petit peu le tournis parfois. Hein. Il faut vraiment aller chercher un petit peu partout. Alors que au départ, voilà, on a ce compte rendu. Très factuel, dans un style pas du tout ampoulé, qui cherche pas du tout le sensationnel, qui sert à nourrir, on va dire, la gloire et la postérité espérée de son auteur, John Smith, qui écrit à la troisième personne. Donc c'est vraiment, les sources sont beaucoup plus nombreuses quand il s'agit de s'intéresser au mythe. Anne-Marie Bidot, dans ce mythe Pocahontas, le succès du mythe, en fait, tient aussi parce que, c'est ce que vous nous disiez, Pocahontas assimile l'ensemble des valeurs apportées par les colons. Ça va encore plus loin parce que, donc, il y a ce mariage avec un Anglais et elle va elle-même en Angleterre. Enfin, il y a ce jeu incroyable où elle devient une figure assimilée. L'utilité, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une vitrine formidable du succès de la rencontre. Même si la rencontre est plus complexe. Hein. Oui, en fait, c'est la propagande pour la colonisation, ni plus ni moins, que le mythe de Pocahontas. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a rappelé Audrey, c'est ce télescopage des siècles dans la construction historique américaine. Parce que, par exemple, le mythe originel de Pocahontas, ça remonte aux années 1600 et quelques, mais la glorification du mythe, c'est par exemple par l'immense tableau qui représente la conversion de Pocahontas qui est exposé dans la rotonde du Capitole. C'est un des 8 tableaux fondateurs de l'histoire américaine, mais qui a été installé vers 1840. Donc à l'époque romantique, où on avait une vision des Indiens, comme ils étaient beaucoup plus loin dans l'Ouest, beaucoup plus romanesques, et qui étaient un peu dans le sillage de Chateaubriand. Et à l'époque, des guerres indiennes. C'est absolument ça, ce paradoxe qui est incroyable. Au moment où les massacres ont lieu, il y a Pocahontas qui est exposée comme une héroïne. Alors, bien sûr, le mythe, c'est une matière magnifique pour le cinéma. Dans l'histoire du cinéma hollywoodien, Anne-Marie Bidot, vous avez travaillé sur Hollywood et le cinéma. Quelle est la place de Pocahontas? Parce que nous connaissons très bien ce film de 1995, c'est un succès planétaire de Disney. Mais il y avait déjà des Pocahontas avant? Paradoxalement, il y en a eu quelques-uns, mais pas des grands succès. Mais parce que c'est quand même un mythe un peu gênant. Parce que ça veut dire qu'on aurait pu envisager à un moment donné, comme c'était peut-être le rêve à l'époque de Pocahontas, une civilisation du métissage. Alors que la notion de métissage a vite disparu de la réalité historique, notamment vis-à-vis des Indiens mais des autres populations américaines, et que même dans le système hollywoodien, le sujet du métissage était interdit par le code d'autocensure jusqu'en 1956. Donc c'était un sujet un peu délicat qui a été traité sous le signe dans le cadre de films d'aventure autour de John Smith, mais sans voir les répercussions civilisationnelle, en quelque sorte, de cette rencontre. Et en 1995, évidemment, nous ne sommes plus dans les années 50. C'est ça qui est fascinant toujours avec ces mythes, hein, voir comment ils évoluent. Oui, dans Pocahontas, en 1995, il y a l'air du vent. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille l'air du vent? L'air du temps, Pocahontas, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André qui chante à tue-tête, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger qui chante aussi l'air du temps. Pocahontas, dites-nous Audrey Brousseau, ce film de 1995 de Disney, Pocahontas, quelle place occupe-t-il dans l'histoire du mythe de Pocahontas? Déjà, est-ce un tantinet fidèle, pas à la réalité historique tellement, parce que nous sentons que déjà la réalité historique, nous ne la connaissons pas, mais au mythe tel qu'il a pu être présenté au 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors oui, si on part du principe que c'est l'aspect romantique qui prédomine, oui, on est même à fond dedans, je dirais. Comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, l'équipe du film a suivi une formation à la sensibilité pour éviter quelques écueils, mais surtout pour éviter les stéréotypes quant à la représentation des Amérindiens. Pas du tout pour faire une reconstitution historique, et c'est ça en fait qu'ils ont ensuite regretté. Ils ont d'ailleurs adressé une lettre ouverte à l'équipe du film après la sortie sur les écrans, parce que pour eux, ce qui était important, c'était de perpétuer l'histoire sans gommer la réalité. Bon, là, ils ont été déçus, parce que du coup, évidemment, on a cette image de la femme amérindienne, alors extrêmement belle, qui obéit au canon de beauté des années 90. Hein, on va pas se mentir, c'est pas du tout quand on compare avec les illustrations du 17e, on n'y est pas du tout. Hein, on a cette femme absolument superbe qui a bien plus de 12 ans, hein, qui a une chevelure d'ébène qui vole au vent, notamment pendant qu'elle chante l'air du vent, qui ressemble plus à Kate Moss, Naomi Campbell qu'à une véritable amérindienne, qui a ce corps moulé dans cette robe bustier avec à peine un tatouage, alors que normalement elle aurait dû avoir le corps recouvert de tatouages et notamment le visage, puisque Pocahontas c'était fille de chef, donc les filles de chef, les enfants de chef avaient des tatouages sur le visage. Donc voilà, déjà la représentation physique est très éloignée. C'est la femme naturelle par excellence dans le dessin animé, hein. Instinctive, pleine de passion, on voit chez elle une certaine animalité aussi, elle se déplace de manière lascive, on veut la représenter comme une femme indépendante, bon, même si au final on comprend bien qu'elle ne peut pas vivre sans un homme et sans cet homme, sans John Smith. Elle refuse un guerrier, elle refuse d'être mariée à un guerrier amérindien, mais par contre, par une force inexpliquée, il faut absolument qu'elle se lie à cet homme. Hein, donc elle a d'ailleurs des visions, elle a des rêves, hein, dans le dessin animé qui la pousse à suivre ce chemin. Pour elle, voilà, il y a cet aventurier venu de la mer qui va venir pour elle et ce qui justifie un petit peu ce coup de foudre instantané qu'on voit dans le dessin animé. Bon, et qu'on n'a pas du tout dans les écrits originels comme on l'a vu plus tôt. L'aspect romantique essentiel, bien sûr, pour le mythe. Anne-Marie Bidot, quelle place a ce film de 1995, Pocahontas, dans la représentation des Amérindiens au cinéma? Est-ce que ça reflète une lente évolution ou est-ce une rupture? Ça fait partie d'une évolution, je dirais, dans la représentation des cultures indiennes. Parce qu'en effet, là, il y a des telles transformations physiques, on ne peut pas croire 5 minutes que Pocahontas, ils avaient changé l'âge pour éviter toutes sortes de problèmes, évidemment. Mais au début, elle a 10-12 ans, bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, et dans l'extrait musical que vous avez donné, c'est le déplacement des sujets vers le problème de la terre. Parce que la motivation principale des colons, c'était conquérir des terres, comme le stipulait la Bible d'ailleurs, puisque c'était des très bons chrétiens, et ce qui était totalement incompatible avec les cultures indiennes. Et c'est rappelé que les Blancs ne respectent pas la terre, ils considèrent qu'elle est à exploiter, que c'est l'or, comme le dit un chant, qui les intéresse, et qu'il n'y a aucun respect de la nature, alors que Pocahontas, c'est plutôt une héroïne qui est devenue écologique, en quelque sorte. Oui, et ça, c'est drôlement intéressant, parce que à l'intérieur du film Pocahontas, plusieurs préoccupations des années 1990 s'expriment. Alors, bien sûr, il y a la question des Amérindiens, de l'identité, de la colonisation, mais il y a aussi la question de l'écologie. Et là, ben, Disney, mais le personnage, hein, Walt Disney, c'est y faire depuis bien longtemps. Alors, nous parlons du chef Powhatan, du roi Powhatan qui trône en Amérique, mais chez nous, c'est Léon Zitrone. Pour quelle raison, à votre avis, êtes-vous l'objet de la haute distinction qui vous est conférée aujourd'hui? What are your merits as regards nature? Well, I don't know. I presume that this honor is because I have recorded nature, you know, and sent it out across the world for the people to see and maybe get a little more appreciation, Monsieur of the Disney, value of the preservation of nature. Monsieur Disney dit qu'il pense avoir bien mérité de la nature en la filmant chaque fois que c'était possible et en faisant le spectateur juge sur l'écran de la splendeur de la nature et de la nécessité qu'il y avait à la sauvegarder. Nous étions en 1960 et Léon Zitrone interviewait Walt Disney qui venait d'être médaillé de la Société d'acclimatation. L'intérêt, là dans les années 50, mais auparavant, années 60 de Walt Disney, pour la nature, Anne-Marie Bidot, c'est aussi l'intérêt pour les grands espaces. C'est donc aussi le mythe américain. La nature elle-même fait partie du mythe. Absolument. Et c'est d'ailleurs une donnée essentielle dans la mythologie américaine et qui a échappé de peu à la destruction, puisqu'il faut rappeler qu'à la fin du 19e siècle, la nature, en tout cas les animaux, les bisons par exemple, avaient pratiquement disparu. Et il faut donner sa responsabilité, rappeler la responsabilité du président Theodore Roosevelt d'avoir créé les parcs nationaux pour préserver des zones de nature sauvage, ou en tout cas présumées sauvages, et empêcher la destruction des terres. Mais ce qui est quand même caractéristique et même étonnant, c'est qu'en 1995, on commence déjà à voir un recul dans les droits des Indiens. Et par exemple, ce qui après a été amplifié sous le président Donald Trump, c'est qu'on a repris toutes les entreprises de mines et de forage dans les réserves indiennes, malgré des droits qu'on leur avait accordés et qui présumaient qu'on les laisserait gérer leurs terres eux-mêmes. Donc il y a eu toute une campagne contre cette appropriation des terres et des ressources minières, mais qui n'a pas empêché la continuité dans l'exploitation des terres indiennes. Et dans après 1995. Après, voilà, c'est ça, parce que ce qui est très intéressant à étudier avec Pocahontas, c'est aussi, bon, bien sûr, la représentation des Amérindiens, mais la réception par les Amérindiens de cette histoire-là, au sens où vous nous le dites, Anne-Marie Bidault, ils sont victimes d'expropriation. On leur avait laissé très peu et on leur enlève encore une partie du très peu. Donc il y a ce paradoxe fou d'être affiché. Pocahontas, le film qui met en avant, mais qui ne souligne pas les réels problèmes. C'est ce paradoxe, en fait, sans nom, qui est cette longue histoire du mépris et du folklore. Oui, parce que on peut dire que toute l'histoire américaine a été construite, et toute la colonisation américaine, qui a été amplifiée par le cinéma, bien sûr, a été construite sur le mythe de la frontière, c'est-à-dire une conquête de l'Ouest où les Blancs avancerait progressivement, et cette frontière, c'était la limite entre la civilisation et la vie sauvage. Donc à la fois, les Indiens sont intégrés à la vie sauvage, mais en même temps, ils font partie de toute un aspect nostalgique pour un monde qui a disparu ou qui va disparaître. Oui, c'est ça, ce monde qui disparaît, c'est ce monde, mais nous pouvons étendre l'analyse, ce monde détruit par l'industrialisation en Europe, c'est toutes ces réflexions issues du romantisme et qui se développe et que l'on retrouve encore bien longtemps sur d'où venons-nous, quel est notre rapport à la nature, qui est notre mère. Tiens, notre mère, c'est peut-être Pocahontas. Powhatan était parent du loup et de l'abeille, frère du noyer blanc, fils du coup de foudre écarlate et du chêne foudroyé. Sa grâce féline s'épanouit chez la jeune femme qui riait dans les bourrasques et jouait de sa fierté sauvage avec brio, charmant la forêt, les yeux ouverts, au printemps, en Virginie. Ô notre mère Pocahontas! Jeanne Delecroix qui lisait ce poème de Vachel Lindsay, donc un poète de la fin du 19e siècle et surtout le début du 20e siècle. Il écrit ce poème Notre mère Pocahontas en 1917. Audrey Brousseau, mais Pocahontas, ou en tout cas le mythe de Pocahontas, a une utilité. C'est aussi se donner bonne conscience dans la narration de l'histoire des États-Unis. Oui, c'est vrai que, alors on parlait tout à l'heure du mythe de la frontière. Bon, ça rejoint évidemment le mythe de la destinée manifeste. C'est fou comme on a tendance à gommer l'idée aussi d'extinction, hein, d'extinction des Amérindiens. C'est vrai qu'il faut dans ce sens rassurer. Alors, je rebondis juste à l'extrait qui vient d'être diffusé. On avait jusqu'à présent, on parlait jusqu'à présent de Pocahontas comme fondatrice de la nation, alors fondatrice de la Virginie, puis fondatrice de la nation. Ici, elle apparaît clairement comme la mère nourricière. Hein. C'est presque une déesse de la fertilité. On nous dit que l'esprit de Pocahontas a nourri la terre. Hein. Les Américains ne viennent pas d'Europe. Hein. Ils ont été engendrés par cet esprit, par cette déesse. Elle devient vraiment la Madone américaine. On a cette fusion entre la terre, la femme, encore une fois, la rencontre entre deux peuples également. Pocahontas devient la terre, l'esprit, l'idéal américain. Mais il n'y a pas qu'au 19e et au 20e qu'elle rassure Pocahontas. On en a parlé tout à l'heure. Quand elle a été christianisée, elle a été présentée comme la réussite de la colonisation. On a voulu montrer qu'on avait bien fait de traverser les mers, de rencontrer, alors même si ce n'était pas le but premier, mais de rencontrer l'Amérindien et de montrer qu'il était capable, qu'il était possible d'en faire quelqu'un de civilisé, de le changer et de montrer que le civilisateur anglais était dominant. Et puis dans excusez-moi Audrey Brousseau, dans cette rencontre, vous évoquez justement ce côté mère, mais la mère nourricière, celle qui a fondé la Virginie. Il y a encore aujourd'hui des débats qui sont assez fascinants sur les descendants de Pocahontas. Ah oui, il y a une fascination déjà pour la généalogie et puis il y a une certaine fierté à se réclamer de la lignée de Pocahontas. Parce que l'aspect justement maternel, l'aspect salvateur qu'elle revêt est quelque chose de très séduisant pour les Américains qui cherchent parfois à donner une forme un petit peu particulière à leurs arbres généalogiques. On a parlé de la réécriture de l'histoire. Bon, là, comme les travaux sur la généalogie reposent sur des recherches personnelles, je dirais, parfois on peut mettre en doute quand même quelques embranchements. Voilà, et puis c'est vrai que nous imaginons bien symboliquement combien c'est important de se dire descendant à la fois de Pocahontas, donc de l'Amérique, et des colons eux-mêmes. On peut rappeler quand même une généalogie cocasse, c'est que Nancy Reagan s'est prétendue descendante directe de Pocahontas. Donc, il y a eu beaucoup de chemin entre Thomas, le fils né en Angleterre, né avant le voyage en Angleterre, et la première dame à cette époque. Voilà, et puis rappelons-le, ce fils, il n'est pas né avec John Smith. Même John Rolfe, on n'est pas sûr. On n'est même pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a cet enfant, il y a cette descendance. Et 10 ans après Pocahontas, sort un nouveau film, une nouvelle réflexion sur le Nouveau Monde. Les sauvages nous rendent fréquemment visite très gentiment. Ils sont craintifs. Comme une harde de cerfs curieux. Cette nuit, nous dormirons à bord des bateaux et chacun gardera son armure. Au matin, nous abattrons tous les arbres dans un rayon de 800 mètres et nous nous servirons des branches les plus solides pour ériger les tours de guet et construire notre fort. Quand cela sera fait, nous ferons des réserves d'orge et de blé, construirons des maisons et nous approvisionnerons en bois de chauffage. Les fainéants seront fouettés à l'endroit même de leur oisiveté. Capitaine. Oui, Emery. Quand serons-nous autorisés à fureter dans les environs? Nous ne sommes pas ici pour attaquer et piller. Nous sommes ici pour instaurer une colonie. Le Nouveau Monde de Terrence Malick en 2005. Ben là aussi, c'est la même histoire, c'est Pocahontas. Anne-Marie Bideau, évolution dans le regard de Pocahontas avec Terrence Malick? C'est complètement différent dans la mesure où on retrouve tout l'aspect grande pastorale, élégiaque dans ce film, parce que ça fait partie de l'univers de Terrence Malick. C'est un film très personnel, qui n'a plus vraiment de lien avec l'histoire américaine. Il reprend le postulat de départ qu'on sait faux entre cette idylle entre Pocahontas et John Smith pour en faire une sorte d'apologie du retour à la nature, de la vie dans les grands bois, qui était un fantasme d'homme aussi au 18-19e siècle, et qui est une façon de valoriser la beauté de la nature. C'est un film qui esthétiquement est exceptionnel. Voilà, parce que c'est l'intérêt toujours des mythes, c'est qu'ils s'adaptent aux attentes du moment. Et avec Pocahontas, du XVIIe siècle, là où se passent les événements à aujourd'hui, en fait, on a plusieurs regards portés par le cinéma sur ce personnage de Pocahontas. Donc celui de Disney en 1995... C'est un lieu pas mal, ça va, vous l'acceptez, Anne-Marie Bideau? Oui. Avec les réticences qu'on peut avoir, et les réticences, elles ont été d'ailleurs partagées par les Indiens. Les Amérindiens ont globalement assez mal réagi au film, en considérant que les Indiens étaient caricaturés, ce qui n'est pas complètement faux. Mais il y a quand même eu quelques voix indiennes, notamment du militant Russell Means, qui a considéré que ce film mettait l'accent sur les motivations des Blancs, en rappelant que ce qui les intéressait, c'était l'argent, le profit, l'or. Et ce qu'on peut entendre aussi, c'est la permanence des stéréotypes, même si ça n'est plus dans l'image, mais dans le son. Quand on entend le chœur des colons scander « Savages, savages, les sauvages, c'est de la vermine, il faut tous les tuer », c'est tellement âpre que dans la version canadienne, ça a été censuré. Oui, voilà, parce que c'est cette histoire-là qu'il faut raconter avant tout. Il y a plein de manières de voir tous ces documents patrimoniaux, mais c'est beaucoup plus éclairant avec vos propos. Anne-Marie Bideau, merci beaucoup à vous. Hollywood et le rêve américain, c'est un ouvrage que l'on trouve chez Armand Collin, votre ouvrage. Et merci beaucoup à vous, Audrey Brousseau, pour votre Pocahontas, princesse des deux mondes, et ses analyses sur celle qui n'était peut-être pas princesse, qui a réellement vécu et qui fait toujours rêver. Il faut toujours rêver un petit peu. Et pour le moment, celui qui nous conduit au rêve, c'est Gérard Noiriel avec « Le pourquoi du comment ». Élections, piège à con. Depuis une vingtaine d'années, les journalistes qui commentent les élections ne cessent de déplorer la montée de l'abstention. Certains y voient la preuve que notre démocratie est bien malade. D'autres, moins nombreux, il est vrai, interprètent cette méfiance à l'égard du processus électoral comme une forme de lucidité populaire face à un système politique qui pérennise la domination sociale. C'est un peu ce qu'affirmait Coluche à sa manière quand il disait « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. » Ce genre de critique avait déjà été énoncé en mai 68, sous une forme encore plus radicale, quand les manifestants scandaient en chœur « Élection piège à con ». Pour comprendre ce slogan, il faut rappeler le contexte de l'époque. Le général de Gaulle, qui était encore le chef de l'État, voulait mettre un terme à un soulèvement populaire qui fut, je le rappelle, le plus puissant mouvement de grève de toute l'histoire de France. C'est ce qui l'incita à annoncer, le 30 mai 1968, qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale afin d'organiser de nouvelles élections. De nombreux mouvements d'extrême-gauche interprétèrent cet appel au suffrage populaire comme un vol de la liberté et une négation de la démocratie. C'est à ce moment-là que les contestataires scandèrent ce fameux slogan « Élection piège à con ». Le résultat de cette consultation ne fit qu'accentuer la méfiance des militants à l'égard de la démocratie représentative. Ce fut un triomphe pour les gaullistes, qui recueillirent 46% des suffrages, soit 144 députés élus dès le premier tour, et au final une majorité de 354 sièges, dont 293 pour la seule UDR, le parti gaulliste. Cet épisode de notre histoire politique mit en relief les deux facettes souvent contradictoires de ce qu'on appelle la citoyenneté. D'un côté, une minorité politisée et agissante, celle qui s'exprime dans les médias et dans les rues. De l'autre côté, la majorité silencieuse des citoyens qui se contentent, quand ils vont voter, de déposer un bulletin dans une urne pour soutenir, pas toujours, mais très souvent, les gouvernements en place et le parti de l'ordre. Le slogan « Élection piège à con » acquit ses lettres de noblesse intellectuelle grâce à Jean-Paul Sartre, auteur d'un article paru en 1973 dans sa revue « Les temps modernes ». Selon lui, l'isoloir planté dans une salle d'école ou de mairie est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Ses propos radicaux ne signifie pas que Sartre rejetait le processus électoral en lui-même, mais il estimait que le choix démocratique ne pouvait s'exprimer qu'au travers d'une expression directe, sans intermédiaire. Cette aspiration à la démocratie directe, réaffirmée récemment par des gilets jaunes qui ne connaissaient sans doute pas l'article de Sartre, est symptomatique des limites auxquelles s'est constamment heurté notre régime républicain depuis la Révolution française. Comment imaginer des modes de participation à la vie publique nationale qui soient moins inégalitaires que les formes actuelles ? Tel est le défi que celles et ceux qui croient encore à la politique devraient prendre aujourd'hui à bras le corps. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Vudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.